Bonjour à vous tous, et puis vous m'avez émue par vos présentations, c'est trop quoi. Je suis Arlette Farge. Mais d'abord, je voudrais vraiment remercier celles et ceux qui m'ont, avec tant de gentillesse, incité à faire devant vous ce curieux exercice, vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire, aidé par Sylvie, incité par Sylvie Goudbaron de la Maison des Écrivains, qui parlait tout à l'heure, et Catherine Breu-Delmas de la Bibliothèque de la Sorbonne, de choisir un livre dans le magnifique et impressionnant fond de la réserve, et dans le fond Victor Cousin, avec Eric qui est là, ici présent. Un livre enfoui, on m'avait dit, pas enfui, pas parti, enfoui. La preuve, il est numérisé ce soir. Un livre enfoui, non connu, qu'on ne consulte qu'à la réserve, pour lequel on ressent de suite un privilège, celui dans la réserve, de le tenir entre les mains. Il est là, tout petit petit. C'est à Isabelle Diry, qui n'est pas là ce soir parce qu'elle ne pouvait pas, conservatrice du fonds, que je dois, de m'avoir fait remarquer un tout petit livre in douce au milieu d'autres livres, alors que s'étalait devant moi, très attirante, l'innombrable correspondance galante du duc de Richelieu. Je n'ai pas choisi la correspondance galante, je tends mon dévolu sur ce petit livre insolite qui se révéla vraiment étonnant, complexe, de bout en bout. En voici le titre, il va peut-être apparaître. Voilà. Alors, mémoire historique sur l'orbilianisme, si quelqu'un sait ce que c'est, ben, tant mieux pour lui, sur l'orbilianisme et les correcteurs des jésuites, avec la relation d'un meurtre tout à fait singulier, commis depuis peu dans un des collèges de Paris, et quelques autres anecdotes. En somme, je le dis tout de suite, il s'agit d'un livre sur les châtiments corporels donnés aux enfants dans les collèges de jésuites. Pas d'auteur. Le livre est anonyme. Une date, 1764, pas de permission royale ni de privilège, c'est donc un livre clandestin, sur cela il n'y a aucun doute. Évidemment, la date 1764, elle indique déjà tout le contexte social et cette période de crise intense dans le monde religieux, dans le monde parlementaire, dans le monde monarchique, car en effet, déjà, en 1762, la Compagnie de Jésus est bannie par le Parlement. Et puis, deux ans après, Louis XV, qui traîne vraiment pour prendre son édit, va, le 26 novembre 1764, se résoudre à entériner le fameux édit d'expulsion des Jésuites. Aussi, ce petit livre fait-il partie de la querelle, la grave querelle, l'imposante et la frénétique, je dirais, querelle, de ce milieu du XVIIIe, concernant la présence des jésuites en France, leur heurt avec le Parlement, la monarchie, mais aussi, et c'est de cela qu'il sera question, de l'éducation des enfants, thème effectivement favori du XVIIIe siècle, bien sûr, les punitions, les châtiments et la souveraineté des professeurs dans les collèges jésuites. Alors, à vrai dire, j'ai avancé à tout petit pas sur ce terrain livresque. Pas du tout, je suis plus à l'aise dans les archives manuscrites de police, je dois vous l'avouer, qui viennent à moi avec grande émotion toujours, doublée d'une envie de démontrer, d'analyser, de chercher l'autre. L'autre dans tous les personnages rencontrés. Alors pourquoi dès lors ai-je choisi ce livre? D'une part, la conservatrice Isabelle me chuchota à l'oreille qu'ici était présente l'enfance et qu'elle savait que j'avais travaillé sur l'enfance et que c'était un sujet qui m'intéressait. Et d'autre part, qu'à l'intérieur du texte était relaté un crime commis par un élève sur ceux qui voulaient le châtier. Crime, donc comme je travaille sur la criminalité, bon, crime, enfant, un enfant qui tue quelqu'un qui veut le châtier, bon. Et l'envie me prend de me plonger dans cet insolite petit livre et de commencer une enquête. Une enquête d'où je pars à zéro, n'étant pas spécialiste des affaires religieuses, c'est certain, pas spécialiste du sujet, si ce n'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très passionnée par l'enfance, par la délinquance, par la vie de l'enfant, par le souci que le 18e en a eu ou n'en a pas eu. Alors je lis le petit livre, il fait 135 pages, oui, il est petit, quoi. Et je dois l'avouer, Et vous n'allez peut-être pas me croire, je le recopie au crayon intégralement. Je ne peux pas faire autrement. Tant tous les mots me parlent et m'emportent, tant le style, le ton, parfois l'ironie, puis l'indignation, ils sont étonnés. Impossible de prendre des notes. À mon avis, si je l'avais fait, j'aurais laissé passer toutes les significations multiples, subtiles, du contexte, des arguments, de la situation historique, de la vie des collèges et du sort des enfants. Mais alors, ce qui était curieux, c'est qu'à côté de moi, dans la réserve, alors bon, dans la réserve, il n'y a presque personne, on était deux jours là, enfin les jours où j'étais, dans la salle de réserve, il y avait un jeune étudiant plus raisonnable que moi qui photographiait debout chaque page d'un livre qu'il consultait avec un super appareil. Alors, il n'y avait pas de bruit, mais j'entendais clic, clic, clic, clic. Alors, je le regarde fasciné, persuadé qu'il a raison. Je me dis, c'est pas possible, il a raison. Je devrais avoir un appareil photo. Clic, clic. Pourtant, j'ai repris mon crayon et me suis immergée avec mon cœur et ma respiration dans ce texte que je suis heureuse de vous présenter et d'essayer de mieux comprendre avec vous. Aussi, ceux qui n'aiment pas la numérisation, ils pourront venir me voir. J'ai écrit au crayon et pourront lire les 135 pages au crayon. Alors, mémoire historique sur l'orbélianisme, je ne connaissais pas ce terme. J'apprends donc qu'il vient d'un nom d'un pédagogue de l'Antiquité. Alors, Orbilius, je vous assure, je ne connaissais rien de lui, hein, Orbilius est né en 113 avant Jésus-Christ, ce qui n'est pas récent. Et ce pédagogue, c'est un grammairien qui est connu, dit-on, parce qu'il a eu un élève assez illustre qui était Horace lui-même. Et Horace, en effet, il fait allusion, il le décrit à un moment comme étant vraiment très savant, cet Orbilius, c'est un drôle de nom quand même, très savant mais rétrograde, pointilleux et très violent. C'est ainsi qu'on appela l'orbilianisme, les châtiments odieux infligés aux élèves, petits et grands, même si, sous l'Antiquité, l'éducation ne se fit pas toujours sur ce critère. Mémoire historique sur l'orbélianisme et, ajoutons, les correcteurs des jésuites. J'apprends là aussi ce qu'est un correcteur. C'est celui qui est chargé par le régent, c'est-à-dire par le professeur, hein, le régent, le professeur qui est jésuite, le jésuite qui enseigne. Le correcteur est chargé d'administrer la punition. Les jésuites ne frappent pas eux-mêmes, quand même pas ce que c'est... Mais ils emploient pour ce faire soit un domestique, un paysan, un ouvrier, un porteur d'eau, ou un marmiton, un balayeur de la région, un gagne-denier, appelé à sévir. Il est payé 12 sols, ce qui est une toute petite somme, pour les gueux, comme l'auteur clandestin appelle ce type de population. 12 sols, c'est à peine le prix d'une saignée. À partir de ces deux explications, le mot orbilianisme, le rôle des correcteurs, je sais que je rentre dans un univers très particulier que la lecture du texte va éclairer. Je lis d'abord le livre de bout en bout avant de recopier et je m'aperçois que pour notre esprit du 21e siècle, pour notre esprit d'aujourd'hui, c'est un livre très très, très mal structuré. Il est bien écrit, certes, mais il mélange les analyses, les moments d'humeur, l'indignation, la crudité des expressions, et des mots, des plaisanteries parfois, une sorte d'ironie réelle, en même temps qu'un sérieux, il y a des passages qui sont extrêmement austères, très sérieux, et une vraie vindicte, une vraie rage, une vraie colère. L'ensemble est submergé, sans le dire, il ne faut pas oublier que le livre est clandestin, par une charge énorme contre la compagnie de Jésus, contre son arrogance jugée absolument insupportable, sa volonté impériale de souveraineté et d'asservissement de chacun et de tous. En même temps, dans ce petit livre très bizarre, de petits faits sont racontés, des récits singuliers, d'ailleurs ça se termine par « et autres anecdotes hein, », il y a « et le crime » et « autres anecdotes », qui apportent des notes émouvantes au récit et très précises. Il ne faut pas oublier en effet qu'il va être aussi question d'un meurtre. Je l'ai dit tout à l'heure, un élève tuera celui qui veut l'étrier. L'étrier, c'est l'expression du XVIIIe siècle qui veut dire fouetter. C'est la formule de l'époque. Autre chose remarquable, malgré une structure très bancale et un récit non linéaire, où se mêlent des arguments théologiques, philosophiques, moraux, badins et des descriptions cruelles, on s'aperçoit immédiatement qu'on peut se fier à la vérité des détails, des corrections données et des supplices infligés, et je vais dire pourquoi. C'est-à-dire, c'est pas faux ce qu'il écrit. Et qu'il n'y a là rien d'exagéré, ou tout du moins, je ne peux pas évidemment en donner la preuve absolue, il n'y a pas grand-chose d'exagéré dans cet écrit, si ce n'est la démonstration de colère, évidemment, que cet auteur anonyme exprime. Pourquoi ? Pourquoi je dis ça ? Dès la fin du premier paragraphe, l'auteur, dont je rappelle à chaque fois hein, que je ne sais pas qui c'est, j'ai juste quelques indications que je vais vous donner, il dit « Je suis à même de déposer ici, après un laps de 27 ans, donc je calcule qu'il doit avoir 45 ans au moment où il écrit ça, de déposer ici, contre quelques jésuites, ma dénonciation est importante, les faits sont de notoriété publique et peuvent servir à connaître le génie de la société. » De la société de Jésus, connaître le génie de la société, c'est de l'humour, hein. Enfin, c'est de la moquerie. Voici déjà ici le temps où l'ironie indignée se fait jour, et à la fin du livre, il va montrer qu'il dit l'exacte vérité, et on sait qu'il fut élève, en fait, à Rodez, qui est un des collèges les plus terribles pour sa cruauté. Les travaux de Marie-Madeleine Compère et de Dominique Julia, qui ont travaillé énormément sur tous ces établissements religieux, en donnent la preuve. Il témoigne donc sur son honneur de ce qu'il avance. Alors, on ne peut pas dire que par moment, vous verrez, il n'amplifie pas les choses, on n'en saura rien, mais en tout cas, je veux dire, les travaux sont connus, les travaux d'aujourd'hui sont connus pour effectivement ces châtiments. Alors, cet auteur, il s'excuse en même temps du ton badin, c'est lui qui le dit, qu'il s'est efforcé de prendre en écrivant que, et je le cite, « la matière même qu'il traite, la matière l'a engagé presque à chaque page à prendre un ton badin. Cela ne m'a jamais empêché aucune contre-vérité. » Alors j'ai réfléchi, ben alors pourquoi un ton badin, bon. Ton badin, à mon avis, à la fois pour se protéger de sa propre émotion, à narrer tous ses châtiments, et aussi à se protéger d'éventuelles poursuites contre lui. On a beau être à cette époque, en 1762 ou 64, parce qu'il y a une édition aussi de 1762, bon voilà, ça je n'ai pas pu savoir exactement quelle date exacte, mais enfin on est en plein moment de lutte contre les jésuites. Tant la dénonciation des jésuites est d'une force inouïe qui m'a moi-même désinstallée, je dois dire, et en même temps, je dirai plus tard pourquoi, mise au cœur de la complexité de ce 18e, si corporel, si sensuel, si paradoxal, pour le meilleur comme pour le pire. Alors, en quoi consistent au juste ces châtiments qui firent l'objet de tant de controverses et entrèrent en partie dans tous les motifs de condamnation des jésuites ? L'auteur va les décrire avec force de détail, afin que le lecteur soit impressionné, il l'est. Tout d'abord, il s'agit d'enfants qui sont très jeunes, ils ont entre 8 et 13 ans, mais aussi de plus âgés, 17 à 19 ans, qui sont ceux qui suivent les cours qu'on appelle de rhétorique, qui sont deuxième, première, ce qui correspond à la fin des études secondaires. Alors, il ne faut pas croire que ces châtiments corporels datent du 18e, bien sûr. Déjà au 16e, l'évêque de Paris, Monseigneur du Bellois, caractérisait en 1554 ces pratiques. Il disait que le seul nom de jésuite, je le cite, correspondait à des êtres arrogants, voulant s'attribuer à eux seuls ce que l'Église catholique contient. Une grosse charge. Et la même année, la Sorbonne disait que les jésuites étaient plutôt faits pour détruire que pour édifier. Détruire. La gravure que vous allez voir, là, qui orne la première page, est très expressive. En haut, alors vous ne pouvez pas le voir, il est écrit « Copie fidèle des exécutions qui se font chez les jésuites des provinces de Toulouse. » Sous la gravure, un texte signé de Salel, un prêtre de la Compagnie de Jésus, qui est professeur en 5e. Alors je vous lis ce texte qui est en dessous de la gravure. « Je suis plus maître dans ma classe qu'un monarque dans ses états. Mes écoliers tremblants n'y soufflent même pas. J'y tonne. Et dans l'instant, le coup suit la menace. Quel plaisir d'être craint. Je goûte des douceurs à les faire souffrir, à voir couler leurs pleurs. C'est cruauté, dit-on, vengeance, humeur, colère, n'importe. Étant jésuite, on a droit de tout faire. Ça donc, cher correcteur, sois plus dur qu'un rocher. Frappe fort et longtemps, tu le peux, à ton aise. Un large et gros manant, assis sur ses deux chaises, te tient tous les enfants que je fais écorcher. » Signé Nicolas Salel de la Compagnie de Jésus, régent de 5e. Alors, en quoi finalement, on voit dans toutes les classes de ces admirables collèges, comme se plaît à le dire l'auteur, donc avec cette ironie qu'il va mener sans cesse pour mieux déclasser et confondre les jésuites, on voit une chaise à bras. Alors, je ne sais pas ce qu'on voit là. Alors, on voit une chaise, vous voyez, il y a une chaise. Quoi. Sur la chaise, il y a un monsieur qui est gros. Bon, là, je crois qu'il est très gros, mais enfin, normalement, il doit être gros, très fort. C'est une force de la nature, quoi. Et il est placé en bas de la chaise du régent. Vous voyez, les pieds en haut, il y a une chaire. On voit que les pieds du... Voilà. Lui, c'est le jésuite qui donne les ordres. Hein, c'est le professeur. Bon. Donc, en bas, on a la scène avec effectivement une chaise à bras et une espèce de fauteuil, sur lequel, enfin c'est une chaise, et le correcteur que vous voyez, il entre, hein, il fait asseoir sur la chaise ce paysan, hein, aux larges épaules, dont l'auteur dit qu'il ressemble à un homme de basse classe. Alors, il faudra remarquer aussi que le texte est émaillé, bien que cet auteur soit anonyme, etc., est émaillé de considérations peu amènes sur les basses classes, on le verra souvent. L'élève se tient derrière la chaise, enfin, on le met là. Il tend son bras, vous voyez, à celui qui est assis, ce gros manant, et le manant lui tient le bras de façon à ce qu'il soit totalement immobilisé. Le correcteur lui fait descendre la culotte sur les talons. Vous m'excuserez parce qu'il y a des trucs et c'est pas très poli, mais je vais les dire, c'est écrit, c'est du 18e siècle. Retrousser la chemise. Je cite l'auteur. Alors, le correcteur régale tant de pays découverts d'une ample fessée qui n'en finit pas, sauf lorsqu'il plaît au régent. On lit dans les yeux du régent du plaisir. Alors, les motifs de punition sont la plupart du temps injustes, souvent minuscules, dérisoires, tandis que les coups pleuvent. Et pleurer est interdit, les enfants, je vous rappelle, ont entre 8 et 12 ans, sinon la dose est doublée. J'apprends qu'il est souvent donné jusqu'à 200 ou 300 coups, ça je ne peux pas le croire, parce que je crois que 200 ou 300 coups de fouet comme ça, c'est des verges, ça attirerait la mort. Bon. Donc là, je pense qu'il y a... Bref. Avec une verge faite de bois frais, qui est toujours prête, et tous les jours, on la renouvelle. Il y a donc toujours dans le collège des jésuites une verge faite de bois frais. Barbarie pure. L'auteur s'indigne fortement. Ce sont dans ces circonstances qu'il assimile la barbarie des jésuites à celle du fouetteur, le correcteur, qu'il estime être un lieu de naissance. Lui, il est le régent. Mais évidemment, le correcteur, c'est un lieu de naissance, celui qui fouette. Cet amalgame est fort intéressant à penser, à mon avis, mais il est si représentatif de la société élitiste du XVIIIe siècle qui peut à la fois s'indigner de la morale et de l'humanité bafouée, s'intéresser au peuple aussi, et montrer en même temps un mépris de classe, tout de suite racheté par une petite incise. Tout correcteur est donc un gueux de naissance. C'est aussi la raison pour laquelle, je cite l'auteur, il ne s'exposera pas au danger de perdre son temps. Bien sûr, il va gagner sa vie. Et 12 sols pour un balayeur, c'est quelque chose. Au XVIIIe siècle, le scandale de ces punitions devient très vif. D'une part, tout le monde en a la preuve certaine, puisqu'on a les sources. Les écoliers tiennent des journaux, des coups portés et des noms de ceux qui les ont reçus. Ils ont d'ailleurs été publiés aussi par Dominique Julia et Marie-Madeleine Comper, qui ont fait un travail absolument remarquable sur tous les établissements religieux. Ces journaux étaient conservés, bien entendu, et beaucoup d'historiens de l'éducation, évidemment, s'en sont servis, ainsi que de personnes préoccupées, même jusqu'à aujourd'hui, de la pédagogie. Le siècle des Lumières, en effet, on le sait, là, je vais dire des choses que vous savez tous, porte une très grande réflexion sur l'enfant, son éducation, sur ce qu'il va devenir et comment il va devenir un homme. Les philosophes, les encyclopédistes vont réfléchir et écrire abondamment sur cette question. Ils ne vont pas être d'accord. Mais pour eux, le sujet est fondamental, même si les avis sur le problème divergent. Bien sûr, je cite d'abord Jean-Jacques Rousseau. Pour Jean-Jacques, j'ai l'intimité que je devrais avoir. Pour Jean-Jacques Rousseau, l'enfant doit être soustrait à l'apprentissage. C'est l'expérience qui doit le conduire vers l'homme qu'il sera plus tard. Et les punitions sont totalement inaptes à le faire devenir humain. Il y a une contradiction, punir, ça ne peut pas le faire devenir humain, ce qui implique, bien entendu, une présence constante de l'adulte auprès de lui pour le guider, pour lui parler constamment. Kant, vous le savez sans doute, s'éloigne fort de cette position. Pour lui, la discipline, c'est un élément vraiment très important, car l'enfant, en fait, il doit être conduit parce qu'il est d'abord un animal, à son avis, et il doit être conduit pour transformer son animalité en humanité. Jamais il ne doit être abandonné à lui-même, mais guidé, conduit, donc parfois puni, quand c'est pas un assassin. Il lui faut aussi de l'émulation sur laquelle s'installe le tandem punition-récompense. D'ailleurs, au 19e, le débat n'est toujours pas résolu. Dans son dictionnaire de pédagogie, à la fin du 19e, en 1887, Buisson explique la complexité des choses en écrivant, je cite, que la relation pédagogique est toujours prête à basculer dans la violence. On peut méditer ça. Et Buisson se rapproche de la traduction humaniste de Rabelais, de Montaigne. Il faut faire coexister l'autorité morale et le recul de la violence. C'est alors que Buisson, en cette fin du 19e siècle, prend appui sur un crime, donc il cite le crime dont on va parler, commis en 1759 dans un collège de Paris, par un élève de 18 ans nommé Pilleron, sur celui qui avait pour mission de l'étrier et qui est dont l'histoire est racontée dans ce livre. Nous voici donc dans le deuxième temps des mémoires historiques sur l'orbélianisme, celui où l'auteur s'empare de cette affaire contemporaine pour en faire un récit hallucinant, halluciné. L'affaire Pilleron, elle devient une très grosse affaire qui, sans aucun doute, influencera les avis d'expulsion des jésuites. Je dois dire que c'est une affaire que je ne connaissais pas et qui s'avère assez emblématique de l'ambiance sociale, politique et religieuse de l'époque. Pour la raconter, l'auteur va employer, bien que j'ai dit qu'il n'était pas très structuré, mais enfin bon, j'ai essayé de lui donner de l'ordre. Pour la raconter, l'auteur va employer trois formes littéraires bien différentes. Un exposé des faits, un plaidoyer, deuxièmement un plaidoyer très passionnant et totalement avant-gardiste en faveur de la légitime défense, mot qui n'existe pas au XVIIIe siècle, ni concept, bien avant qu'il n'en soit l'heure. Puis un troisième élément, enfin une troisième forme littéraire, la fiction, c'est-à-dire il va inventer un monologue qui pourrait avoir été tenu par un des jésuites les plus cruels de l'époque qui s'appelait Pradine, dont on parlera tout à l'heure. Alors l'exposé des faits, je vous le donne. Le 1er août 1759, c'est un écolier qui est pensionnaire du collège de Montaigu à Paris qui, tout d'un coup, sort du collège sans permission pour quelques heures, je crois que c'est 2-3 heures, et ne va rentrer que l'après-midi. Son absence est très courte, mais l'acte est considéré comme immensément grave et Pilleron, est dénoncé au tribunal du principal des jésuites, parce qu'il y a un tribunal sur place, où son procès sera instruit et jugé. Le tribunal est très rapide, l'interrogatoire très court, évidemment pas d'avocat bien sûr, et la sentence est tout de suite donnée. Pilleron aura son châtiment dès le lendemain matin, 2 août 1759. Il doit avoir à peu près 18 ans, donc normalement il n'aurait pas dû connaître ce genre de châtiment. Il avait déjà connu de terribles châtiments plus jeunes, ça fait longtemps qu'il est dans les collèges des jésuites, et l'accusation l'a soupçonné de vouloir se venger. Vers 7 heures du matin, il est mené seul avec son juge et son bourreau. En fait, le bourreau, c'était le portier qu'il avait vu passer la veille qu'il avait dénoncé. Ainsi, l'auteur s'exclame, l'auteur anonyme, l'auteur des mémoires, mais la partie n'est pas égale, ils sont deux contre un. On ne fait aucun reproche, on ne lui parle pas, à Pilleron, le silence est complet. Il commence sa punition. C'est alors qu'on s'aperçoit que Pilleron n'est pas en position de soumission, ce qui est très inhabituel, mais de défense et qu'il a un couteau dans une main, faisant front contre ses deux assaillants. Je cite donc l'auteur. « Ses yeux sont plus étincelants que ceux d'un chat en furie, sa bouche plus écumante que toute femme rousse quand, dans un accès de rage, elle harangue son mari. » Je vous laisse apprécier. « Femme rousse, l'un des bien 18e siècle. » Une femme rousse qui est un peu de roi, le chien en furie, car c'est pas grave. Alors, premier assaut, le juge et le bourreau sont blessés. Alors ça, c'est totalement inattendu, inadmissible, imprévu, incroyable. Le principal est hors de lui, Et à toute allure, il part dans il sort, il va chercher un porteur d'eau dans le voisinage, puisqu'on est à Paris, et que c'est ce qu'on peut trouver le plus rapidement. C'est un, alors, c'est triste, il s'appelle Boucher, le porteur d'eau. Bon. Il s'appelle Boucher, et il fut longtemps dans les troupes royales. Il est près d'une fontaine, il arrive complètement essoufflé, ses seaux dans les deux mains, il est complètement étonné de ce qui lui est demandé, et on lui promet 24 sols de récompense, c'est-à-dire le double de d'habitude. L'extraordinaire, c'est qu'il commence par refuser absolument cette tâche, c'est alors que le principal le met à la raison, invoquant le roi. « Toi qui as servi le roi avec courage et fait tant de batailles, tu recules, un simple écolier te fait peur. » Évoquer à cet instant la personne du roi, c'est aller très loin. À cette époque, c'est aller vers le sacré, vers le divin, vers celui qui est le tout, avec un grand T. Et à l'époque même des christianisés, qui peut négliger ces paroles? Elles montrent l'impact et l'arrogance des jésuites. Boucher ne réfléchit plus, il se jette sur Piron, mais c'est alors qu'il reçoit 3 coups de couteau de la part de Piron. Il meurt 3 heures après à l'Hôtel Dieu et laisse une veuve dans la douleur. Selon la formule de l'auteur, Piron fut obligé de prendre des lettres de grâce et les fit entériner. Le Châtelet le condamna à payer à la veuve sans enfant 1200 livres. Alors là, il a fallu que je réfléchisse, parce que les lettres de grâce, c'est quelque chose de très compliqué. Et s'il y avait le Châtelet, c'est qu'il y a donc eu un procès au Châtelet, que je n'ai pas retrouvé. Très compliqué, en plus, de connaître le mécanisme des lettres de change, donc en faisant des recherches. Ces lettres de change, elles sont accordées par le roi, elles sont expédiées par la grande chancellerie, mais elles ont toutes été perdues. Donc ça, elles ne sont absolument pas conservées, aux archives nationales, à l'arsenal, n'importe où. Mais il y a un auteur qui, en 2011, a écrit un livre qui s'appelle « La grâce du roi ». Cet auteur s'appelle Reynald Abad. Et en fait, il se fonde, lui, pour ça, sur les papiers de travail du procureur général du Parlement de Paris, qui était consulté pour les demandes de grâce. Mais les demandes de grâce, si vous voulez, on n'aura jamais la lecture de la lettre de grâce, et ça aurait été vraiment intéressant, pourquoi on gracie Piron. Et quand même, ces indications, en fait, donnent quelques indices. Le Parlement de Paris, qui est très opposé aux jésuites, comme vous le savez, est partie prenante. De plus, j'ai retrouvé, alors ça, c'est vraiment de la chance, la trace d'un texte d'un avocat au Parlement de Paris, qui est très connu à l'époque, qui est Maître Loiseau de Mauléon, qui a été un grand ami de Rousseau, comme vous voyez, qui publia, comme il le fit pour Calas, un plaidoyer pour Piron. Plaidoyer pour Piron, que lui, on peut trouver numérisé d'ailleurs, écolier au Collège des Jésuites. Vraisemblablement, donc bon, évidemment, j'ai pas eu l'acte du Châtelet, j'aurais tellement voulu avoir le procès, parce qu'il y a eu le procès au Châtelet. Le Châtelet a donc certainement eu lieu, il a eu lieu forcément puisqu'il est dit, il a dû être condamné à mort, voilà, c'est forcé, sans quoi il ne demande pas des lettres de grâce, mais il demande des lettres de grâce, c'est totalement extraordinaire, parce qu'il lui faut l'appui de personnes éminentes opposées aux jésuites, il les aura, puisqu'il a cet avocat dont je viens de vous parler, Loiseau de Mauléon, et il doit payer pour la veuve, mais pour cela, il lui a fallu mobiliser des soutiens, et dans le contexte, il n'en manqua pas. D'ailleurs, cette histoire est restée dans les annales des historiens de la pédagogie comme étant une espèce de combat, vraiment, de combat judiciaire, combat politique, combat religieux, sur ce crime. Alors, en deuxième temps, donc ça, je vous ai raconté les faits, la partie où il raconte les faits. Je regrette encore de ne pas avoir le procès au Châtelet avec les commissaires et tout, ça aurait été super. Bon. Alors, en deuxième partie, l'auteur des mémoires, c'est vraiment intéressant, il s'essaie à montrer la non-culpabilité de l'élève. Bon, quand même, il l'a tué, hein, si on est rationnel. En plaidant en avant-garde une sorte de légitime défense, non, qui n'existe pas et qu'il n'emploie pas, c'est moi qui le dis. Et c'est très intéressant de travailler sur les arguments. Alors, les premiers, je vous préviens, sont écrits en termes un peu crus et grossis, je rappelle, c'est pas moi qui les ai écrits, comme pour mettre en évidence l'aspect non seulement odieux, mais vicieux du lieu du corps atteint, de la fesse, de l'atteinte au postérieur, du cul, est-il parfois écrit. Beaucoup de fois, je dis. Je cite, il n'y a pas de mal à tuer un homme à son corps défendant. Mais peut-il en être de même quand on le tue en son cul défendant? C'est un argument. Qu'a fait Piron? Il s'est évertué à défendre son derrière, son cul, et il a eu recours au seul moyen d'échapper. Alors là, c'est vrai que, bon, quand je disais, c'est un récit hallucinant, c'est, ouais, c'est spécial. Cette insistance sur cette partie corporelle, le cul, le derrière, à mon avis, est une marque de refus de l'intrusion d'un châtiment sur des organes considérés comme extrêmement intimes. Ainsi, dit l'auteur, le meurtre est permis dans ces cas-là. Il rappelle que pour les écoliers, il est possible de supporter un coup de bâton, un petit soufflet, une tape sur les mains, mais jamais, je le cite, cette grêle terriblement violente qui tombe sur la région clinatoire. Les jésuites revendiquent cette action et son lieu parce qu'ils regardent les fesses comme la condition la plus propre à transmettre à l'esprit tout le bien qu'on a envie de leur faire passer. C'est quand même fou. Le fouet à verge est une médecine spirituelle par le véhicule du derrière. Citation. Hein. Ce meurtre est permis aussi parce que cet écolier, dit-il, s'est battu pour l'honneur de son derrière. C'est une juste défense pour lui. C'est une juste défense. Évidemment, la formule peut faire sourire. Mais pour emmener le lecteur plus loin, sûrement l'auteur, qui cède aussi de ce que le procureur a pu dire, ainsi que le plaidoyer de l'avocat Loiseau de Mauléon, qui est cet avocat du Parlement de Paris, a repris ces mêmes termes, de cul, déshonoré, etc. Et ici, les arguments deviennent très sérieux. Là, les passages sont... On termine avec ces mots-là. L'agresseur était injuste, puisque l'écolier avait 18 ans, à cet âge, on ne donne plus le fouet, et on s'en réfère à Pascal dans sa 14e lettre provinciale. Cet homicide est un péché philosophique, parce qu'il blesse l'humanité, mais ce n'est pas un péché théologique, bon, les arguments sont assez spécieux, parce que Dieu, auquel on ne pensait pas, n'est point offensé. Donc, si vous ne pensez pas à Dieu, ben, pourquoi vous l'offensez ? Donc, il amène la légitime défense de façon très très particulière. Je comprends qu'il ait voulu rester dans la clandestinité, parce que je crois que théologiquement, c'est pas... L'argument est peu clair. Mais l'on sait l'importance du péché pour les jésuites. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est quelque chose qui est, qu'ils ont mis en exergue constamment, qui a été un de leurs principaux objectifs. Or ici, les jésuites ne peuvent dire qu'il s'agissait de Dieu. Ce qui sous-entend bizarrement qu'on peut séparer Dieu et l'humanité. Alors, l'auteur dit aussi qu'on peut arguer, qu'on peut éviter les coups et non tuer la personne. L'agresseur, au fond, aurait dû parler doucement, apaiser la scène, etc. Mais les jésuites sont des chiens, dit-il, ne pardonnent jamais, crient fort et ne s'apaisent jamais. Et puis, fuir, c'est se déshonorer. Et si Pillerault avait fui, il se serait déshonoré une deuxième fois. C'est même une infamie de fuir. D'ailleurs, les jésuites sont d'accord à... Alors là, l'argument est très fort. Les jésuites sont d'accord avec cela pour les nobles. Alors pourquoi ? Les nobles peuvent fuir si on va leur... Alors pourquoi pas pour Pillerault, fils d'un marchand de vin ? Oui, c'est vrai. Ainsi, certains pourraient tuer, d'autres non. Pourquoi ceux qui tiennent le dernier rang n'auraient-ils pas ce même droit ? Pourquoi refuser qu'un écolier agressé puisse le faire, puisqu'un prêtre assailli dans son église peut tuer ? Et puis, le devoir est de défendre sa pudicité, dit l'auteur. Il s'appuie aussi sur des livres de l'époque. Alors, bon, je donne les noms, mais ça n'est pas important. Des livres de l'époque qui écrits en français, notamment le petit catéchisme théologique du Père Pommé, en 1674, où il dit déjà, à la fin du XVIIe siècle, qu'il est permis de se défendre et qui attaque très fortement lui aussi, le Père Pommé, les jésuites. Et dans un arrêt du Parlement, ce Pommé, comme Pascal, comme tant d'autres, vont être cités pour justement justifier ces crimes. Donc, finalement, l'auteur termine en fait par une diatribe. La société de Jésus a de tout temps embrassé et enseigné la doctrine du sang. C'est extrêmement violent, bien sûr. Et la société n'a rien cédé malgré Pascal, malgré les pasteurs, les évêques, les tribunaux séculiers, les souverains. On le voit, si vous voulez, les arguments de légitime défense qui sont matinés d'imprécations contre les jésuites, hein, mais très très fortes, mais aussi de références à des ouvrages savants, Pascal, Rabelais, Montaigne, opposés aux jésuites. C'est la colère qui ici est la plus puissante, plus que l'argumentation. Le tout est appuyé par cet arrêt du Parlement de Paris qui énumère tous les méfaits des soi-disant jésuites dans tous les lieux de France. En fait, quand on voit la carte de France et qu'on étudie les études qui ont été faites sur les collèges jésuites, c'est surtout l'Auvergne, je ne vois pas pourquoi, Rodez, etc., qui est le Puy-en-Velay, qui ont été le plus atteints par ces faits. Alors nous voici à présent à la fin du texte. Elle est étonnante, elle est pleine de surprises. L'auteur va employer la fiction. Alors, je vous explique. Il va citer un père jésuite qui a existé, bien sûr, le père Pradine, qui était professeur en quatrième et qui était réputé pour faire fouetter une vingtaine d'élèves par semaine avec 80 coups. Et cela pour des fautes légères ou qui n'étaient que des chimères. Alors l'auteur anonyme, il décide de se mettre dans la peau du père Pradine, de l'imaginer comme un être sincère, comme un homme ordinaire, comme un autre, à qui on demanderait de dire pourquoi il punissait si souvent les écoliers. Et donc l'auteur, il va inventer, c'est comme s'il aurait dit à Pradine, mais pourquoi vous avez fait ça? Et il invente la réponse du père Pradine, mais il précise tout de suite que le langage qu'il va lui faire tenir est envisagé sous deux rapports, un tout à fait historique, et qui expose les usages de sa classe sans aucune exagération, et qui va en donner les preuves, je ne donnerai pas, c'est toujours les mêmes. Et l'autre, donc il a deux registres, un donc c'est historique ce que je fais dire à Pradine, et un autre qui concerne les motifs qui dictaient ses sentences, en somme l'état d'âme du prêtre. Bon, sur l'état d'âme du prêtre, il est obligé de faire un peu de fiction quand même. L'auteur dit qu'il ne donne ses renseignements que comme conjoncture, autant qu'à son avis, ses motifs sont de toute façon totalement fondés. Alors ça donne un long texte rédigé au jeu, qui est donc le Pradine qui répond à l'auteur pour dire pourquoi il a fait ça. Et ça donne un texte rédigé au jeu assez incroyable et effrayant, si vraisemblable pourtant, et faisant écho à ce que purent être les exaltations des sens au XVIIIe siècle. Cela commence par un joli « Je n'étais pas méchant de nature ». On se dit tant mieux déjà. Et on poursuit la lecture. Pradine exprime sa joie à exercer ses punitions. « J'étais toujours bien aise ». Peut-être gêné, alors l'auteur lui prête le mot suivant. « Plaisir singulier, si l'on veut, mais qui n'en est pas moins une passion de l'homme. Une passion que tout homme a. » Pradine se range du côté de l'humain, de l'être ordinaire, qui est comme tout le monde, et qui éprouve, comme tous les autres, la volupté de voir frapper et de frapper. Il prend pour exemple, c'est tout de même assez téméraire et horrible, les jeux d'enfants qui aiment jouer à la maîtresse d'école en se fouettant. Donc, si les enfants aiment ça, pourquoi lui n'aimerait-il pas ça? Il va plus loin dans l'aveu, ou l'analyse de son plaisir sensuel à faire souffrir. Il aime choisir un élève bien laid, bien moche, ou ayant un extérieur qui lui déplaît. Il le compare à un chien que l'on n'aime pas. Pour un élève aimable, il aime le choisir aussi, mais il avance un autre registre que nous avions deviné depuis longtemps. Je cite, « S'il avait une jolie figure, je prenais un plaisir qui tenait de la concupiscence. » Voici la sexualité, là c'est moi qui parle. Voici la sexualité, le désir sexuel, le sadisme et l'érotisme au premier rang, sale. Nous sommes à un niveau de défoulement de la libido, du contentement de la souffrance donnée à l'enfant, excitant les sens. Sans s'exciter, sexualité mise en avant, domination. Pradine compare son acte à de la souveraineté. Cette envie de souveraineté dominatrice, passant par la concupiscence, va jusqu'à avouer qu'avec un ami, il a fait pendre deux frères qui n'avaient fait aucun mal. Ce fait est d'ailleurs historique, en effet. Ils furent pendus parce que les frères avaient accusé les jésuites d'avoir voulu usurper leur souveraineté. Ce fait se retrouve réellement dans le recueil des procès contre les jésuites et la dénonciation des crimes des jésuites de toutes les parties du monde adressée au roi et au prince, en 1730. Pour sa défense, alors Pradine, toujours par la voix de l'écriture ou l'écriture de l'auteur anonyme, explique que ce qu'il aime, ce sont les fesses, cette peau si délicate et si tendre. Il ajoute, le plaisir est là. Dans certains métiers, comme dans ceux du bâtiment, on casse et on brise. Mais ici, les fesses restent toujours des fesses et on peut retravailler dessus, malgré les sillons effectués la veille. Le plaisir est là, plus que voluptueux. monte en soi une chaleur qui n'a comparable, qui n'a de comparable que celle de l'orgasme. Je le recite. Plus je frappais, plus cette chaleur montait, et plus les excuses de l'enfant m'apportaient des délices de chair inouïe. Faire trembler les jeunes est exquis. Dans le pays où nous, jésuites, sommes vénérés, personne ne trouve à redire. Il s'agit d'établir un empire le plus absolu. Et le correcteur était toujours sous les ordres. Il venait à toute vitesse. Les élèves se levaient, l'écolier fouettait, n'avait que les yeux de libre. Il les roulait comme une chèvre qui se meurt, et cela me faisait rire. Et les constitutions des jésuites m'aidaient à trouver cela normal. Fin de citation. Une fois ce monologue terminé, inventé par l'auteur, hein, je l'ai dit, mais sûrement empli de beaucoup de vérité, donnant le rouergue comme exemple de cruauté le plus terrible, l'auteur rappelle que bien des magistrats se sont révoltés et qu'enfin la société va être sur le point d'être dissoute. J'ai été témoin de tout cela, dit-il à la fin, l'auteur, rien ne me fera taire. Je parle ici des fureurs auxquelles j'ai assisté. Je n'ai apporté aucun faux fait. Pour conclure, parce que je vous tiens depuis longtemps, d'abord pour conclure, je me suis dit, oui, que conclure. On sait que les livres dits clandestins sont souvent exagérés pour atteindre leur but, dénoncer. Mais en travaillant sur les travaux d'historiens anciens, ceux du 18e comme ceux du 19e comme ceux du 20e, ainsi que sur l'éducation, j'ai pu relever nombre d'allusions et indications sur ces faits des punitions. Les jésuites sont réputés pour pratiquer des châtiments corporels. Leur religion, en fait, est démonstrative et se moule, en fait, je crois, dans la sensibilité baroque. Ils ont la conviction profonde que la foi se confirme par de fortes émotions religieuses sans lesquelles elle ne peut exister, d'où leur goût et leur sens du spectacle. En fait, c'est pour cela qu'ils traitent les oratoriens, qu'ils insultent constamment, d'être chétifs, incapables de punir un élève. Et même dans les petites écoles qui ne sont pas celles des jésuites, il existe un arsenal de punitions. C'est vrai, les écoles de jésuites, vous le savez, sont faites quand même pour des classes qui sont des classes très hautes classes. C'est très très cher d'être dans une école de jésuites. Mais dans les petites écoles, il existe aussi, il faut le dire, un arsenal de punitions. Mais les châtiments ordinaires sont la baguette sur les mains, les doigts. L'école paroissiale prescrit des peines corporelles, mais le principe général, c'est de les éviter au maximum, parce que la cruauté apporte du trouble, et c'est l'avis d'ailleurs de Jean-Baptiste de La Salle, qui a écrit un très beau texte là-dessus. Le châtiment est un trop gros désordre pour l'école, trop gros désordre pour les âmes de ceux qui regardent, et si l'on doit frapper, c'est de très peu. Le fouet sur le derrière est une arme ultime beaucoup trop extrême qui ne peut être employée que de façon tout à fait exceptionnelle pour ne blesser ni les enfants ni la pudeur. Ce sont donc Jean-Baptiste de La Salle. On voit aussi que tout au long du XVIIIe, ces peines seront abandonnées. Les frères des écoles chrétiennes, 2 ans avant la Révolution, en 1787, les interdira. Ainsi, les abus des jésuites semble-t-il bien prouvé, et les descriptions de l'auteur anonyme sur l'orbilianisme fondé. Une chose pourtant m'est venue à l'esprit. Le monologue qu'invente l'auteur et qui fait parler les états d'âme du père Pradine exprime un aspect finalement très spécifique de ce siècle libertin, voluptueux, amoureux du plaisir, dont Sade fut aussi le chantre, mêlant plaisir et cruauté dans une philosophie très élaborée. Michel Delon, professeur à l'université de littéraire aujourd'hui, comme Elisabeth Bourguina dans son magnifique livre Le Persiflage, nous ont montré ces aspects clairs-obscurs de la vie des corps, de la charnitude, de la sensualité mêlée à la douleur et à l'humiliation que commet et conduit le 18e avec ferveur, avec théorisation, avec politique aussi. Le libertinage est aussi un acte politique auprès du roi. Je n'ai pu m'empêcher de penser de plus que l'auteur anonyme qui avait inventé ce monologue aux accents véridiques ne pouvait, sans quoi il n'aurait pas écrit comme ça, ne pouvait être insensible lui-même à cette volupté qu'il écrivait, qu'il dénonçait, et que sous sa plume, dans sa plume, existait peut-être aussi une certaine jouissance, un tremblement d'excitation, d'écrire sur l'infâme jouissance des juifs, des jésuites et des correcteurs. Comme une mise en abîme au milieu d'un sincère réquisitoire et d'une colère énorme, sans doute frôlé lui-même par la concupiscence dénoncée. J'en suis pas sûre. Je vous donne cela comme simple hypothèse. En tout cas, l'orbianisme fut loin d'être oublié. Et je vais terminer par ces vers d'Arthur Rimbaud, peu connu. À 14 ans, à Charleville, Arthur Rimbaud écrit le 6 novembre 1868, alors qu'il termine son premier essai de poésie, pour une composition scolaire, il écrit en latin, où il imagine qu'Horace, lui aussi, jeune étudiant, donc je l'ai dit, hein, Horace était l'étudiant d'Orbilius, profite de la maladie de son instituteur pour faire une promenade. C'est le premier recueil d'Arthur Rimbaud, qui s'appelle, alors c'est écrit en latin, hein, je le précise, Vers, V-E-R-R-A-T. C'était le printemps, et une maladie retenait Orbilius immobile à Rome. Les traits cruels de mon maître se turent. Le bruit des coups n'atteignait plus mes oreilles, et la férule ne torturait plus mes membres d'une douleur continue. Je gagnais les compagnes riantes et abandonnais tout souvenir. De douces joies animèrent mon esprit épuisé. Mon cœur se plaisait à regarder les vastes champs, à observer les joyeux miracles de la terre au printemps. Enfant que j'étais, je recevais les plus grands sentiments dans mon cœur, délivrés des sinistres paroles de mon maître. Je vous remercie beaucoup.